Je suis surpris que vous n'ayez toujours pas parlé de l'événement majeur de ce début d'année. Je veux bien entendu parler des primaires de la gauche. C'est quand ? Votre devoir de neutralité politique sur le service public devrait vous astreindre à parler de messieurs Payon, Hamon et Montebourg, comme vous l'avez fait de messieurs Fillon, Juppé et Sarkozy il y a 2 mois de cela. Oui, parlons-en de ces primaires ! On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps, on commandera des pizzas, toi la télé. Mais oui, allez, attendez, allez, je charrie. Tout le monde sait que les socialistes ont prévu un showcase de Benjamin Biolay pour attirer les électeurs dans le bureau de vote à Saint-Germain-des-Prés. Attendez, il y a un bureau de vote à Saint-Germain ? Oh, même pas sûr. Hey, Sylvia Pinel, t'as été ministre du logement, il y a toujours des SDF, tu dégages. Benoît Hamon, t'as été ministre de l'économie solidaire, l'économie est toujours pas solidaire, tu dégages. Vincent Payon, t'as été ministre de l'éducation, il y a toujours des fans de Kev Adams, tu dégages. Manuel Valls, tu dégages. Cessez de vous acharner, bordel. C'est incroyable, les mecs ne comprennent pas qu'on ne veut plus voir leur gueule. Manuel Valls, justement, était à Liévin, où il a rassemblé à peine plus de 200 personnes. Mais oui, c'est sûr qu'il réunissait plus de monde dans les rues quand il s'est fait imposer l'utilisation du 49-3 pour faire passer la loi travail. À Liévin, Manuel Valls s'est posé en candidat du travail et du pouvoir d'achat. Chut, pauvre François Hollande. Ça a vraiment fallu de peu parce qu'il est passé à ça d'avoir le premier ministre du travail et du pouvoir d'achat. Pas de bol. J'y suis allé, et oui, donc j'ai travaillé le dimanche. Ah, c'est pas bien. Ouais, voilà, puisque faire des blagues et emmerder les gens, il paraît que c'est un métier. Oui. Et oui, en même temps, regardez, François Hollande, il est payé. Donc finalement, c'est un métier. Je suis donc allé à la rencontre des consommateurs, ravi de voir les grands magasins ouverts, malgré quelques spécificités. C'est un chrétien qui vous en parle. Ah, vous êtes chrétien ? Oui. Mais alors, comment ça se fait que vous êtes pour l'ouverture des magasins le dimanche ? Ah, je pense que il faut... C'est un vaste sujet. Ouais, mais Dieu, il va vous en vouloir, là. Non, avec ça. Bah, normalement, il se repose le dimanche, lui. Disons que Mais non, il va pas m'en vouloir pour ça, je pense pas. Est-ce que vous avez pas peur d'aller en enfer ? Non, pas du tout, arrêtez. Oui. Il est pas tranquille, quand même, hein. Benoît Hamon, de son côté, propose une taxe robot. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, il tient à ce que les robots qui remplacent des emplois existants cotisent et payent leurs impôts. Ah oui, sauf si R2-D2 est atteint de phobie administrative, et ça pourrait lui arriver. Tu peux être persuadé à ce point que tu as l'étoffe suffisante pour être le leader de dizaines de millions de personnes. Il faut un de ces égos de motherfucker pour se dire le chômage, la croissance, le réchauffement climatique, terrorisme, la guerre. Ouais, ça c'est dans mes cordes. Mais ouais, bien sûr. Autant réparer une ampoule et coudre un mouton, là j'ai du mal. Comptez pas sur moi, mais ça, je le sens bien, quoi. C'est vrai, après tu t'étonnes qu'à la fin de son meeting, là, Emmanuel Macron, il essaye d'ouvrir la mer en deux avec sa pensée. C'est vrai, à côté de Macron, Kanye West, c'est Pierre Rabhi, quoi. Franchement, c'est le mec, tellement il s'aime, il a un glory hole dans son miroir. Là, je veux dire, il faut... Non, on se fout de notre gueule. Hein. Moi, je sais pas ce qui m'énerve le plus, les 7 blaireaux qui vont débattre demain soir ou les 4 millions de connards qui vont regarder. Merci de m'avoir écouté.